Ouais, c'est bon. Donc Yann qui va nous parler du contexte, c'est ça. Peut-être juste pas trop te mettre au niveau du larcène. Comme l'a dit, je vais parler du contexte, du peuple kurde. S'il y a des gens qui veulent intervenir à ma place parce que je dis trop de conneries, il faut pas hésiter à venir m'interrompre. Et puis si vous pareil. Donc le peuple kurde, c'est un des plus grands peuples sans État. Il est réparti entre quatre États-nations, la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Et dans ces quatre États-nations, il est complètement privé de tous ses droits politiques et culturels. Et donc, pour le peuple ou les peuples kurdes, parce que c'est pas non plus une composante complètement homogène, de se battre pour avoir le droit de vivre sa culture, parler sa langue et avoir une autonomie politique. Et notamment, en fait, en Turquie, ça a été depuis la création de la République 3, qu'on a un mouvement kurde qui s'est affirmé en tant que tel, puisque le principe de création de la République turque, copié sur la République française, a été de déclarer que la nation turque était une et langue. La seule langue qui pouvait être parlée, c'était la langue turque, que le seul peuple qui existait, c'était le peuple turc. Et donc toutes les minorités, les Arméniens, les Kurdes, les Syriaques, les Lazes qui vivaient là-bas, se sont retrouvés finalement privés d'existence propre. Ils devaient être dans la nation turque. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à voir apparaître justement des revendications et la naissance petit à petit d'un mouvement kurde qui réclamait ses droits. On va passer très très vite sur cette histoire pour arriver jusqu'en 1979. De jeunes étudiants kurdes, proches de l'extrême gauche turque, décident finalement de porter la question kurde et de créer un parti, le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, pour lutter pour le droit du peuple nation. Et en 1984, ce parti, le PKK, lance une lutte armée contre l'État turc. Dans les autres parties du Kurdistan, on a d'autres partis politiques. Par exemple, en Irak, on a, un peu plus tard, dans les années 30, la création démocratique du Kurdistan, qui lui aussi se bat pour une reconnaissance de l'identité turque. On a même passé un moment en Iran, une création éphémère d'une république kurde indépendante qui durera, je suis plus exactement sûr, mais ça avant de se faire écraser, dans les années fin des années 30. Mais toutes ces velléités d'indépendance sont largement réprimées en Turquie par l'État turc, en Irak par notamment le régime de Saddam Hussein, dont dans les années 80 on se souvient des massacres commis sur les populations kurdes, notamment sur la ville de Halabja en 1988, où les habitants civils sont bombardés au gaz sarin et exterminés de manière absolument horrible. En Iran, c'est pareil, toute revendication politique est écrasée d'abord et ensuite par la République islamique. Mais quand même, dans les années 79, au moment de la révolution iranienne, on a les partis politiques kurdes en Iran qui arrivent, notamment un parti qui s'appelle le Komala, qui est marxiste-léniniste, à avoir une période d'un an d'autonomie où ils commencent déjà à proposer un projet politique kurde. Pendant ce temps, je reviens après aux années 80, donc le PKK qui lance une guérilla contre l'État turc en 84. Les dirigeants, notamment un des fondateurs du PKK qui devient la figure la plus connue, qui s'appelle Abdullah Öcalan, c'est dès 1980, parce que menacé de mort en Turquie. Et du Liban et de la Syrie, il commence à organiser en fait la première force armée kurde. Ils s'entraînent dans les années 80 dans les camps de la BKA au Liban. Ils partent palestiniennes contre Israël et 13 combattants kurdes d'ailleurs perdent la vie en 82 dans les affrontements avec l'État israélien. Et puis finalement ils s'établissent au nord de la Syrie d'où ils commencent à organiser la population. Le régime Assad, le père Hafez, parce que ça l'arrange bien d'avoir quelqu'un qui va embêter le voisin turc. Mais tout ça, ça ne dure pas très longtemps, puisque en 1999, sous pression de la Turquie, finalement, la Syrie finit par expulser Öcalan, qui se lance dans un grand parcours à travers vers l'Europe, puis la Russie, puis retour vers l'Europe, et finit au Kenya par le Mossad israélien et la CIA, qui le livre aux Turcs. Il est emprisonné en 1999. Le parti, du coup, se retrouve un petit peu dans l'embarras, puisque son leader idéologique est celui qu'on voit le plus, finalement, apparaître Et commence du coup une réflexion sur ce que doit devenir le mouvement. Déjà, avant cette date, Öcalan lui-même était passé d'un parti qui était marxiste-léniniste à une réflexion sur l'État-nation comme finalement oppressive pour les peuples minoritaires. et donc il ne serait peut-être pas une solution non plus pour le peuple kurde. Dire. À partir de 1995, dans les interventions, dans les discours de Öcalan et puis dans les productions écrites du PKK, on commence à avoir une réflexion. Bah, peut-être que pour les Kurdes, réclamer un État-nation, c'est peut-être pas la solution. Peut-être que réclamer un État-nation, ça fera que continuer finalement une structure oppressive qui produit de la discrimination, qui produit de la violence. Et parallèlement à ça, on a aussi un socialisme sur l'échec du socialisme, du communisme, du socialisme. Et toutes ces réflexions, finalement, prennent un peu de temps, évidemment, mais amènent en 2005 à un changement complet de paradigme du mouvement. Un mouvement qui était d'abord marxiste-léniniste a adopté un nouveau paradigme politique, le confédéralisme démocratique, suite à notamment des échanges avec un penseur libertaire canadien, Murray Bookchin, qui a un peu théorisé ce qui s'appelle le municipalisme libertaire, avec des échanges avec d'autres grandes figures idéologiques de l'extrême gauche, et à la lecture de philosophes comme Agamben, etc. Et donc, du coup, le confédéralisme démocratique, qui met donc une dizaine d'années à maturer au sein du mouvement, est adopté comme ligne officielle. Et ça consiste en quoi, en fait ? C'est que, au lieu de revendiquer pour le peuple kurde un État-nation indépendant, donc une forme finalement assez classique, le PKK, officiellement, a plutôt une forme de fédéralisme et une autonomie au sein sans remise en question des frontières des États-nations existants. C'est-à-dire que dans chaque État-nation, la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie, le PKK maintenant ne revendique plus une sécession, revendique le droit à une autonomie politique, à une autonomie culturelle et au peuple kurde, en fait, finalement, à exister en tant que remise en question, finalement, des structures centrales. L'idée, c'est plus de s'inclure dans celle-ci et puis progressivement de développer une nouvelle approche de la démocratie, une nouvelle approche de la libération des femmes, de l'émancipation des femmes, une nouvelle approche de l'écologie pour au final avoir une société, changer en profondeur les sociétés et en faire quelque chose de démocratique. Alors je ne sais pas du tout si j'ai été clair, mais bon. On passe très vite pour arriver à 2010-2011, début de la guerre civile en Syrie. L'hypothèse, il y a des soulèvements dans les grandes villes à Damas, mais surtout en fait dans le nord de la Syrie. Le nord de la Syrie, c'est là où vivent la majorité des Kurdes syriens. Ils sont 4 à 5 millions. La plupart, il y a à la fois des Kurdes qui étaient originaires de la région, d'autres qui sont venus après. Il y en a aussi dans ce nord de la Syrie une poche de chrétiens syriaques qui se sont retrouvés chassés de Turquie et qui se sont établis là à fin du 19e, début 20e. Et donc dans cette zone, très vite, on a des grandes manifestations contre le régime. En même temps qu'on aura à Damas, on en aura dans le sud de la Syrie, à Deraa, etc. Le régime, donc, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire du soulèvement syrien, parce que du coup, je ne connais pas forcément bien tous les détails, mais en tout cas, dans le nord de la Syrie, le régime essaye un peu de faire des compromis avec la population kurde, en se disant que ce n'est pas la peine d'avoir des soulèvements partout. Il propose, en gros, aux Kurdes, des droits qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire en Syrie, les Kurdes n'avaient pas le droit de parler leur langue, c'était interdit, il y a des gens qui étaient condamnés pour ça. En 2011, début 2012, le régime décidait, vous aurez le droit de parler votre langue, on va vous laisser tranquille. Les Kurdes n'avaient pas le droit de fêter la fête de Nevroz, qui est une grande fête culturelle du printemps, le 21 mars. Le régime lâche un peu, il dit, ok, vous aurez le droit de la fêter. Les Kurdes, une grosse partie des Kurdes, plusieurs centaines de milliers de personnes, étaient sans identité. Ça veut dire qu'ils étaient contre le régime syrien, ne leur avait pas donné de documents d'identité, si bien qu'ils pouvaient voyager nulle part. Ils ne pouvaient pas non plus étudier à l'université. Le régime syrien lâche un peu. Il dit ok, on va donner des papiers à tous ceux qui en ont besoin. On les appelait les bidounes sans nationalité. Le mouvement kurde en Syrie, donc ce que je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai pas été très en détail, Öcalan avait été resté longtemps en Syrie où il avait organisé la population avant de se faire virer. Au moment où il s'est fait virer, toute expression politique kurde était devenue interdite. L'organisation mise en place existait toujours. Et on a notamment on avait des structures proches du PKK qui étaient organisées de manière clandestine et qui menaient une activité d'ailleurs plutôt politique, pas militaire en Syrie, et qui, dans les années 4 notamment, avait commencé à se restructurer de manière plus approfondie, notamment suite à une série d'émeutes en 2004 dans une des grandes villes du Kurdistan syrien où il y avait eu un massacre de la population kurde, plusieurs dizaines de morts qui avaient été tués par les forces de sécurité, ce qui s'était mal terminé. Et on avait vu apparaître un parti qui s'appelle le PYD, le Parti de l'Unité Démocratique, que certains appellent la branche syrienne du PKK. C'est un peu plus complexe que ça, mais pour le moment, on peut se contenter de cette explication. En tout cas, qui revendique les mêmes questions que le PKK, c'est-à-dire d'établir un confédéralisme démocratique en Syrie. Et donc ce parti, le PYD, se structure entre 2004 et 2012 de manière clandestine. Il se structure aussi à l'aide du PKK, avec l'expérience militante du PKK, dans les bases arrière du PKK. Et puis finalement, ce parti se retrouve dans les manifestations contre le régime. Ce parti n'accepte pas les miettes proposées par le régime syrien et décide finalement reprendre militairement le contrôle des grandes villes kurdes du nord de la Syrie. En fait, en juillet 2012, alors certains disent qu'il y a eu un accord entre ce parti et le régime, mais on n'a aucune preuve de ça, qui est eu peut-être pragmatique sur le fait que le régime n'ait pas envie de s'ouvrir un nouveau front militaire, c'est probable, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a eu des négociations, enfin en tout cas, il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu des négociations claires de mener. Bref, en juillet 2012, le régime retire ses troupes des grandes villes du Syrie. Le nord de la Syrie, en fait, c'est assez simple, hein, c'est une ligne droite. C'est une ligne droite, les Kurdes, ils occupent toute la moitié de l'est jusqu'au milieu, on va dire, jusqu'au nord. On retrouve la population kurde. La plus grande concentration, elle est à l'est. Plus on se déplace vers l'ouest, plus la concentration de Kurdes diminue. En gros, ils occupent cette partie-là. Et donc, le régime se retire des grandes villes, donc la ville de Kobané, qu'on connaît parce qu'elle est devenue un peu un symbole de résistance. C'est la première ville, en fait, de laquelle le régime retire ses troupes et où les forces armées kurdes, donc des forces de guérilla, PKK, descendent des montagnes pour prendre le contrôle de cette ville. Et on aura, ainsi de suite, ils prendront le contrôle de plusieurs villes de Kobané jusqu'à la frontière irakienne. Donc on a Kobané. Après, on aura d'autres villes, mais qui tiendront pas longtemps. On aura notamment qui est assez proche de la frontière irakienne et la ville de Derik, qui est carrément à la frontière irakienne. Et à partir du moment où les forces kurdes prennent le contrôle armé de ces villes, ils commencent à organiser la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attente de se dire on a un contrôle militaire et on attend de libérer toute la zone pour commencer un contrôle politique. Non, c'est à peine ils auraient quelques villes que tout de suite ils mettent en place des structures politiques en accord avec le modèle du confédéralisme démocratique. Et donc ces structures politiques, c'est quoi? C'est d'abord l'idée que on doit donner les moyens à la population de s'organiser d'elle-même. Alors évidemment, on n'est pas dans un monde idéal. On donne pas d'un coup l'eau à la population, mais c'est plutôt on met en place des structures, on propose aussi une formation aux gens pour s'inscrire dans ces structures et avoir un fonctionnement plus démocratique. Alors ces structures, c'est quoi? Ça commence avec ce qu'ils appellent la commune, qui est une unité de base qui correspond au modo à un quartier de ville. Ça peut être un quartier de ville, ça peut être un village. C'est en gros 100, 200, 300 personnes qu'on invite à s'auto-organiser sous forme de conseil pour gérer au maximum les problèmes de la vie quotidienne. Les premiers temps, par exemple, de gérer les problèmes d'approvisionnement en eau, en électricité, en nourriture. Ça peut être les problèmes de voirie, ça peut être des problèmes d'éclairage public, etc. Ces communes s'auto-organisent sous forme de conseils qui sont ouverts à toutes les personnes de plus de 16 ans, qui sont mixtes d'ailleurs, qui sont fortement incités à avoir au moins 40% de femmes parmi eux. Si ces conseils, à une échelle très locale, ne suffisent pas à résoudre les problèmes, on élargit. On a des conseils de ville sur le même modèle, avec 40% de femmes, ouvert à toutes les personnes qui souhaitent y partir, qui sont amenées à régler les problèmes qu'on ne peut pas régler à l'échelle locale. C'est-à-dire, par exemple, si l'éclairage public, c'est pas quelque chose qu'on peut gérer à l'échelle du quartier, mais qu'on a besoin d'avoir plusieurs quartiers qui se mettent d'accord pour ça, et ben on règle ça à cette échelle. Et ainsi de suite, on met en place des conseils sur ce même modèle, les échelles, jusqu'à l'échelle, finalement, régionale, au fur et à mesure que les territoires sont regagnés par les Kurdes. Territoire d'ailleurs qui était occupé non plus par le régime qui s'était barré, mais par des groupes islamistes radicaux, d'abord des groupes affiliés à Al-Qaïda, puis très rapidement dès 2013 en fait des groupes affiliés à l'État islamique qui deviennent finalement les principaux opposants des forces armées kurdes. Je dis forces armées kurdes, mais en fait à partir de 2015, de plus en plus d'Arabes joignent ce principe de gouvernance parce que la zone est mixte. Hein. Quand on est à l'est, il y a une forte population kurde. Plus on va vers l'ouest, comme je disais, plus les populations arabes deviennent importantes, jusqu'à arriver à la ville de Manbij, la dernière ville qui était sous contrôle de l'administration, dans laquelle il y avait 70% d'Arabes, 20% de Kurdes et 10% d'autres ethnies. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au Rojava, on a un projet politique venu du mouvement kurde, mais qui a largement dépassé le mouvement kurde pour devenir un projet politique pour tous les peuples en fait qui habitaient dans le coin, c'est-à-dire des Arabes, des Syriaques, Syriaques c'est une forme de christianisme orthodoxe, des Arméniens, des Circassiens, qui est un peuple qui vient de Géorgie, et même quelques Tchétchènes qui se sont retrouvés là du temps de l'Empire ottoman. On a cette organisation politique sous forme de conseil. On a une force d'autodéfense alors, qui s'appelle d'abord les YPG quand elle est majoritairement kurde et puis qui, quand elle devient plus mixte en incluant davantage de populations arabes, finit par s'appeler Force démocratique syrienne. Autre point hyper important de ce projet politique, c'est l'émancipation des femmes. Pour ce nouveau paradigme politique du mouvement kurde, on ne peut pas avoir de libération d'un peuple, on ne peut pas avoir de société démocratique sans avoir d'abord réglé le problème de la libération des femmes. Et dans ce paradigme politique, comme étant la première classe oppressée, avant même les classes sociales, c'est les femmes qui sont les premières oppressées du système capitaliste et patriarcal. Et donc, du coup, dans chaque ville, le mouvement des femmes, qui est indépendant du mouvement politique général, qui est non mixte, met en place aussi des structures non mixtes à destination des femmes. Des assemblées de femmes pour s'organiser politiquement, des académies qui sont des lieux de formation pour les femmes, des forces armées, donc les YPJ, qui sont des forces armées non mixtes, et des maisons, celles-ci peuvent faire venir valoir leurs droits, notamment en cas de problèmes conjugaux, de violences conjugales, en cas voilà, tous ces cas de situation, elles peuvent s'adresser à la maison des femmes pour avoir une assistance, pour pouvoir faire valoir leurs droits. Et donc tout ça se met en place. En 2016, finalement, comme le projet a, comme je disais, largement dépassé simplement les Kurdes, ça devient, on finit par appeler le nord de la Syrie la Fédération démocratique du nord de la Syrie. Au lieu de parler de ce terme-là, au lieu de parler, on parle d'administration autonome du nord de la Syrie, pour que ce soit aussi inclusif. Et ces structures se développent de plus en plus, à chaque avancée des YPG et syriennes, jusqu'en octobre 2019, date où la Turquie décide de casser ce projet politique, parce que la Turquie ne peut pas supporter d'avoir à ses frontières une zone où les Kurdes ont des droits politiques, ont des droits culturels, qui va à l'anturc dans son territoire. Les Turcs ne peuvent pas supporter de voir à leurs frontières un système politique globalement à l'opposé de ce que propose l'AKP d'Erdogan. Et puis les Turcs le régime d'Erdogan a des gros problèmes à régler en interne et donc se saisit de cette occasion de virer tous les réfugiés syriens de chez lui. Alors, j'ai été super vite, mais du coup, pour la partie 2019, je laisse Aoudjine s'en occuper. Et après, on répond aux questions après, du coup ou... Ouais. Avant donc ton intervention qui va porter sur vraiment ce qui se passe actuellement, c'est ça. Est-ce que déjà été présenté par Yann, il y a des remarques, des questions, des choses que vous voulez rajouter ou ça peut être en lien avec ce qui se passe aussi autour de chez vous. Enfin voilà, c'est le débat est ouvert, il est large. De toute façon, la thématique c'est le Rojava, mais c'est aussi révolutionnaire sur place, c'est aussi beaucoup de choses autour comme ce que tu nous as présenté. Donc voilà, moi je suis juste là pour vous faire passer le micro. Donc n'hésitez pas à me faire un signe de main. On demande aux personnes de parler dans le micro pour que tout le monde les entende. Et puis comme on a un enregistrement audio. Voilà, j'ouvre, faites-moi signe. Moi je me demandais comment les communes se sont formées ou comment les gens ont décidé d'adhérer à ces communes et comment ça s'est organisé. Ça c'est une méthode assez courante finalement du PKK, c'est par la pratique. Donc d'abord on a effectivement, les gens vont pas demain, après 25 ans de dictature du régime Assad, la démocratie c'est pas une évidence, ça s'installe pas du jour au lendemain, on proclame pas qu'il y a la démocratie. Donc ce que le PKK fait du porte à porte, il va voir les familles une par une et il leur demande si ça les intéresserait pas de participer au système qui est mis en place, ce système d'assemblée. Et donc c'est un long travail de conviction et au départ effectivement il y avait pas beaucoup de monde. Et puis petit à petit, quand le système, c'est que les gens ont vu que bah ils avaient à manger, il y avait l'électricité, il n'y avait pas la guerre aussi, parce que faut savoir qu'avant l'attaque de la Turquie, la plupart des zones sous contrôle de l'administration autonome n'ont pas connu au départ n'avaient pas connu la guerre. Et ben finalement, par la pratique, les gens voient que c'est intéressant qu'ils ont aussi une possibilité de jouer un rôle dans la société, ce qui leur a été complètement refusé par le régime Assad. Le régime Assad, c'est une dictature, on oublie parfois de le dire, mais le régime Assad, il est tout aussi criminel que Daesh. Il a ouvert la porte à l'État islamique à Daesh par une politique de division de la société. C'est eux qui ont permis l'implantation finalement après de l'État islamique. Et voilà, du coup, par l'exemple, je pense, par la pratique, les gens ont vu se sont investis peu à peu. Et pour avoir vu la différence entre 2014 et 2018, en 2014, effectivement, il y avait beaucoup de Kurdes, pas forcément beaucoup de monde. En 2018, c'était frappant de voir en fait qu'il y avait beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de personnes arabes, et surtout que les assemblées étaient beaucoup plus fournies. Donc on passait de quelques dizaines de personnes à plus d'une pour un quartier. Et c'était là, pour le coup, c'était assez clair en fait que bah, petit à petit, les gens s'y étaient faits. Et ça demande aussi une formation, tout ça. Et ça, j'ai oublié d'en parler, mais c'est que pour le PKK, l'éducation, la formation, c'est hyper important. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, on passe pas de dictature à la démocratie. 2012, dès fin 2012-2013, des lieux de formation qui sont appelés des académies ont été ouverts pour que les gens puissent se former au projet politique. C'est les gens qui ne connaissaient pas puissent aller apprendre bah, qu'est-ce que c'est le Conseil fédéral démocratique, comment ça marche, comment on s'organise, c'est quoi ces conseils, qu'est-ce que c'est le mouvement des... Par la formation, par le porte-à-porte, par la pratique, finalement, les gens ont fini peu à peu par adhérer au système. Et d'ailleurs, j'ajoute juste un truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais les Arabes, ils y vont juste par clientélisme. En fait, ils adhèrent pas au système. Ils font ça parce que ça les arrange bien. Mais dès là, ils vont tous rejoindre la Turquie. Et ben là, on voit bien ce qui s'est passé. La Turquie a attaqué. C'est pas pour autant que toutes les populations arabes ont rejoint les Turcs. Bien loin de là. Le système a tenu, en fait. Et je pense que c'était la meilleure démonstration, et malheureusement pas dans les meilleures circonstances, qui pouvait être faite du système, en tout cas là où il a été mis en place et là où il a eu le temps de se mettre en place aussi. Oui, donc je rappelle, on lance un débat aujourd'hui qui va durer quelques temps dans la journée. Là, il y a eu la première intervention sur le contexte de la mise en place du QD autonome, donc du Rojava. Et là, on est sur la partie débat. Donc, si vous avez des remarques ou des questions, je vous passe le micro, vous me faites un signe. C'était juste pour que tu me précises un point. C'était quand tu as précisé que le régime Assad se retirait des régions du Kurdistan progressivement. Récemment, c'était en fait. Le Rojava et le système politique qui est mis en place me paraissait pas être une menace suffisante pour faire peur au régime au point qu'il se retire. Il devait y avoir des pressions extérieures. Donc, est-ce que tu peux les préciser en fait? Alors, je pense pas du tout qu'il y avait des pressions extérieures. Je pense que au moment où la révolution syrienne devient armée, en fait, le régime est, malgré les apparences, est très faible militairement. Et parce qu'en plus, c'est une vraie révolte populaire et donc aux armées, il n'est pas sûr que l'armée va tenir, à part certaines troupes clairement pro-Assad. Parce que le clan Assad et les chiites en Syrie sont minoritaires. Et ça, a priori, ils n'ont pas de raison de croire que les sunnites vont tous les suivre. Donc je pense, et bah, pour le coup, après, il n'y a pas de... j'ai pas de preuves à te fournir, mais je pense pas qu'il y ait eu de pression extérieure. Je pense qu'ils ont vraiment eu peur de s'ouvrir un troisième front avec un mouvement kurde organisé, militairement expérimenté, et qu'aurait pu fournir une force combattante avec eux, les rebelles syriens qui, eux, à qui on fournissait quelques armes, etc. Je pense que ça aurait été assez dévastateur pour eux. Du coup, ils ont préféré économiser leurs forces en attendant finalement que leurs alliés viennent les soutenir, plutôt que d'ouvrir un front au nord de la Syrie. Et puis finalement, ils ont gardé quand même le contrôle d'un aéroport et de quelques quartiers dans une ville qui s'appelle Hasaké, mais au-delà de ça, on les a pas revus. Il y a eu quelques fois où il y a eu des accroches quand même, parce que ça c'est pas fait dans la douceur. Il n'y a pas eu de combats longs, mais par contre, il y a eu plusieurs fois où il y a eu des soldats du régime qui sont pour gagner des quartiers, qui se sont fait repousser et qui sont pas revenus parce qu'ils ont compris la leçon. Donc ça a été, il y a eu des morts quand même. Je dis que ça s'est fait assez fluidement, mais c'est pas au prix, pas sans perte humaine quand même. Après, il n'y a pas d'évaluation stricte, mais c'est plutôt quand même, il y a quand même quelques dizaines, voire centaines de morts côté kurde et côté régime au moment de ce retrait des feux, quelque chose de complètement fluide. Je sais pas si j'ai répondu. Bonjour. Je voulais faire juste une Je voulais faire juste une petite parenthèse sur la construction des communes. La politique, elle est aussi humaine. Et la construction humaine, ça passe par notamment subvenir aux besoins de toutes les personnes qui constituent la commune. Et du coup, le Rojava était aussi une des communes qui a montré un exemple et de gros efforts sur la permaculture et sur l'écologie consciente. Parce que c'est notamment à la suite des affrontements avec l'armée turque que 80% de leur sol est actuellement empoisonné en uranium appauvri. Donc ils ont des grosses difficultés à pouvoir, on va dire, des zones d'agriculture assez conséquentes. Et il y a un bouquin super intéressant sur ça qui explique un peu plein de méthodes de comment ils se sont construits, comment ils ont établi leur système de partage communal, qui s'appelle Make Rojava Green Again, je vous le conseille. Voilà. Et qui cite notamment pas mal sur... comment construire une commune libre et équitable pour tous. Donc je vous rappelle que le débat est ouvert, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des... ouais, le micro va très loin en plus, enfin le fil. Oui. Bonjour. Alors je suis désolé, j'ai raté le début de votre intervention, j'ai compris que vous faites des allers-retours entre ici et là-bas. En fait, moi, je me suis posé une question lorsque on commençait à sortir les premiers documentaires sur la partie dans les forces de la région autonome. Et en fait, c'est que quand j'ai l'impression qu'on montre justement beaucoup les femmes, et je me demande dans quelle mesure c'est aussi, je sais pas, une démarche un peu de com vis-à-vis des Occidentaux parce qu'ils savent que c'est intéressant pour eux. En tout cas, moi, du peu que je connaissais de la société kurde, c'est aussi une société quand même patriarcale de base. Vous sentez que c'est vraiment une démarche hyper creusée, sincère, de long terme, etc. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu nouveau là, cette participation? Comment est-ce que vous voyez la chose? Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est pas une question, mais c'est plus penser à des images d'archives que j'avais vues d'une je sais pas si vous avez entendu parler de la révolution du Dofa en Oman, qui était dans les années 60. Ça a duré 3 ou 4 ans et c'est une révolution d'inspiration marxiste où les femmes étaient vraiment hyper mises en avant aussi. Bah, du type, la révolution passera par la libération des femmes. Donc on voit des images d'archives avec des femmes qui s'arment, qui apprennent à manier les armes, etc. Et ça a été complètement passé aux oubliettes de l'histoire. Le sultanat d'Oman l'a écrasé avec l'aide des Britanniques dans les années 60 ou début des années 70. Et donc, c'était pour savoir si vous aviez déjà entendu parler de ça. Moi, ça me fait un peu penser à ça. Je ne sais pas dans quelle mesure la comparaison est pertinente. Mais ça reste dans des régions où le patriarcat est quand même hyper fort. Et donc, c'est intéressant, je trouve aussi. Quoi. Je te laisse réagir. Ouais. toujours il y a un risque. C'est vrai qu'il faut avoir toujours, il faut garder l'approche critique sur la situation des femmes dans toutes les sociétés. C'est pas bon tout. C'est bien le patriarcat, c'est vrai. Mais on avait la même problème avant. Vous avez donné un exemple. On avait exactement le même problème, par exemple au début de la révolution au Kurdistan d'Iran aussi, au Kurdistan d'Irak aussi. Qu'est-ce que les participants femmes, est-ce que c'est justement une communication ou autre chose? Et après la victoire, par exemple au Kurdistan d'Irak, est-ce que les femmes, ils trouvent leur place ou pas? C'était pas le cas, mais en Syrie, au Rojava, en même temps, on a une idée d'émancipation pour les femmes, que on a déjà des idées, on a déjà de la théorie, c'est théorisé. Il y a beaucoup de débats sur généalogie. Donc c'est pas justement la communication justement la participation des femmes dans la guerre, mais en même temps on a des idées accompagnées. Je sais pas, que est-ce que en fait peut-être tu peux compléter ce que je voulais dire. En fait je voulais dire que c'est il y a, c'est clair, au moins clair, les idées de Rojava sur la question des femmes. Et Rojava essaye d'appliquer ces idées. C'est vrai, et les idées, ce sont sur la place des femmes dans une société patriarcale comme ce qu'on a au Moyen-Orient. C'est pas justement répéter les idées des féministes européennes. C'est sa propre idée pour les femmes. Donc on peut parler sur l'idée, on peut critiquer, on peut toujours avec avancer ses idées. Je pense que c'est pas justement les combattants qu'il faut. Dans les médias toujours on parle sur les combattantes. Mais à côté, on a des théories sur la place des femmes dans cette société et solutions pour en fait les problèmes qui dans ces sociétés. Ouais, juste pour compléter très rapidement, en fait, le mouvement des femmes kurdes d'abord, dès les années 90, a commencé à théoriser qu'elle pouvait être une lutte d'émancipation des femmes et très vite en fait l'a fait en non mixité. Et ça, c'est vraiment une des mouvements kurdes, je pense. Donc, depuis les années 90, elle s'organise en non-mixité, elle développe une théorie politique, elle la met en pratique dans des endroits, mais dans des endroits à petite échelle, soit dans les montagnes de la guérilla, donc dans la guérilla, entre guillemets, que entre personnes convaincues, soit dans un camp de réfugiés en Irak, où sont, comme histoire, mais des populations de Kurdes de Turquie qui se retrouvent dans un camp de réfugiés en Irak suite à la sale guerre des années 90. Et il y a 15 000, 16 000 habitants, et le mouvement kurde se sent responsable de ces personnes, et donc, du coup, gère ce camp en mettant en pratique sa théorie politique et teste en fait la théorie politique, regarde possible ou pas de la mettre en pratique. Et ça, c'est un peu ce qui donnera le modèle pour plus tard le Rojava. Et au Rojava, du coup, effectivement, le mouvement des femmes qui est parallèle aux structures fait très vite un travail de malade. Pour moi, c'est peut-être l'accomplissement le plus impressionnant au Rojava, c'est parce qu'elles mettent en place conseil Maison des femmes, comme j'ai dit tout à l'heure, et etc. Elles mettent en place aussi des coopératives de femmes pour permettre aux femmes d'avoir des revenus de manière indépendante. Et elles essayent aussi de développer leur message politique. Finalement, le truc des combattantes, effectivement, on les voit beaucoup. On a un côté, chez les Occidentaux, un truc de fantasme, un peu de l'Amazon guerrière, etc., etc. Mais le problème de la plupart des documentaires ou des films, et le dernier de Forest, ça va pas arranger les choses, c'est qu'on parle jamais de la théorie politique. S'il y a des documentaires à voir, c'est ceux de Mylène Soloa sur Kurdistan. Et Kurdistan, je sais plus comment s'appelle le dernier... C'est aussi le dernier qu'elle a fait, c'est un documentaire qui est passé sur Arte qui dure 25 minutes et c'est génial parce qu'en fait elle reparle de tout le système politique qui a été mis en place au Rojava avec le fil conducteur des femmes et toutes les structures politiques et d'un autre côté justement toute la lutte de libération des femmes. Je voulais conseiller Mylène Soloa et le dernier, je vais retrouver le nom tout à l'heure sur internet s'il faut, mais donc non, c'est pas de l'affichage, c'est réel et c'est assez impressionnant en fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, choses à ajouter? Sinon, j'en profite parce que j'en avais une. Moi, ce que je voulais te demander, c'est justement aussi sur la mise en place justement des communes pour faire une comparaison avec d'autres systèmes politiques. Je parlais d'une dictature avant. Est-ce que c'était un État fort dans le sens un État sur lequel tout était centralisé? Et là, je suis désolée, je fais des comparaisons avec la France, mais je pense à l'état social à un moment en France qui a un peu aussi divisé les solidarités sur place, puisque tout était renvoyé en fait à l'État, que ce soit sur la redistribution, instance supérieure. Donc le lien de solidarité entre les personnes, avec la question capitaliste, de l'individualisation, etc., a coupé ces solidarités. Et qu'on voit aussi souvent que c'est dans les situations de plus grande précarité ou de catastrophes naturelles ou de guerre ou autre chose que se rejouent justement sont plus fortes. Donc ce que je voulais te demander... par rapport à ça, c'est avant justement la mise en place des communes, est-ce que il y avait déjà ça, d'une certaine façon, qui avait continué depuis très longtemps ce lien en fait entre les personnes dans un territoire restreint qui était déjà en place, ou par un état fort, ou alors par d'autres logiques de mise en concurrence ou autre chose, c'était vraiment divisé. Tu vois, c'est pour faire une comparaison avec ce qu'on peut vivre ici et pour voilà. Donc, le régime, soit le père ou le fils, c'est basé sur la division. C'est basé sur la division ethnique et sur la division religieuse, puisque la minorité au pouvoir et les Alaouites sont pas de la même obédience religieuse que la majorité de la population, et sur la division ethnique parce que c'est un régime qui a favorisé certaines tribus arabes au détriment du reste de la population, et certainement pas en tout cas les autres minorités comme les Kurdes, mais aussi les Syriaques et les Arméniens. Et notamment dans les zones du nord de la Syrie où vivaient les Kurdes, on a eu dans les années 70 une politique de colonisation. C'est à retirer des familles kurdes qui vivaient là, on les a envoyées en banlieue de Damas pour mettre à la place des familles arabes qui venaient de régions désertiques et du coup qui avaient des difficultés en termes d'agriculture, etc. Et du coup, on avait au nord de la Syrie une société assez fragmentée. Solidarité, oui, mais entre Kurdes. Là, ce que le projet dépasse, c'est cette division interethnique. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas population. Enfin, le but du projet du Rojava, c'est d'inclure toutes les populations, que chaque population puisse travailler les unes avec les autres. C'est un projet multiethnique, multiconfessionnel. Et notamment sur cette question des divisions, c'est intéressant. Des familles kurdes qui avaient été chassées de leur terre dans les années 70 sont revenues au Rojava pour dire maintenant que la zone est sous contrôle, au départ largement kurde, et puis après de toute façon avec un autre projet politique, on voudrait récupérer nos terres, des terres qui étaient occupées par des familles arabes qui avaient été amenées là dans les années 70, mais qui du coup en étaient rendues à la deuxième génération. Donc du coup ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Et l'administration autonome a dû gérer ces problèmes, ils ont essayé de les gérer de manière assez subtile. Je raconte une anecdote que quelqu'un qui a vécu longtemps là-bas m'a raconté sur un de ces cas où une famille kurde revient, dit à la famille arabe, non, vous dégagez, c'était nos terres. La famille arabe, ils sont à la deuxième génération, ils disent, nous aussi. Du coup, le responsable politique local arrive et il fait asseoir tout le monde et il commence à citer le Coran, à citer la Bible, et qui dit en gros, si tu as quelqu'un sur tes terres, tu lui dois l'hospitalité, tu ne dois pas lui faire de mal. Il dit kurde. Donc il dit, voilà, les Arabes là ont pris vos terres, certes, mais c'est vos autres, donc vous ne pouvez pas non plus leur faire de mal. À la famille arabe, il dit, vous avez pris aussi les terres, il faut comprendre que la famille kurde a aussi envie de revenir. Et finalement, en fait, après discussion, il convient avec les deux familles, ils arrivent à refaire en utilisant notamment des terres qui appartenaient au régime. Le régime avait nationalisé un certain nombre de terres que du coup l'administration autonome a pu redistribuer aux familles qui revenaient, en leur proposant aussi d'adopter un autre modèle de culture, parce que c'est un autre point important. Le nord de la Syrie, c'est une zone agricole, et le régime en avait fait une zone de monoculture immense, on cultivait que du blé. Et du coup, pour être autonome, l'administration a besoin, enfin les gens là-bas, il y avait besoin de diversifier les cultures et d'arrêter la culture de masse qui détruit la terre, mais de pas respectueuse. Donc du coup, avec une idée d'une certaine forme de, pour aller vite, c'est un peu schématique, mais une certaine forme de collectivisation des terres avec une autre approche de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne cultive pas que sa terre pour soi, mais on cultive en commun plusieurs terres pour pouvoir alimenter justement la commune ou en tout cas les zones environnantes. Voilà. N'hésitez pas, en fait, moi un signe et je vous passe le micro. Oui, je te donne d'abord, tu n'as pas encore parlé. D'abord ceux qui n'ont pas parlé. Je voulais revenir sur l'historique que tu as fait depuis 2012. Je voulais juste que tu nous éclaires un peu plus sur le déroulement des événements en 2012, puisque de ce qu'est la révolution syrienne. Je voulais savoir comment le peuple kurde, qui s'est soulevé aussi par plusieurs occasions, et notamment en 2012 avec l'assassinat d'un personnage très, très influent chez les jeunes générations, qui s'appelle Tamou. Et voilà. C'est qu'au tout début, il n'y avait pas vraiment un soulèvement populaire comme dans d'autres régions de Syrie. Et on parlait de compromis, de pacte entre le régime syrien et les partis de gauche. Pas seulement tous les partis, dont le le conseil de l'opposition. Avant le conseil national syrien, mais l'opposition syrienne rassemblée, qui était un peu l'enfant du rassemblement démocratique syrien des années 2000, qui a essayé de faire front contre le régime de Bachar, qui a réprimé les premières manifestations dans les premières villes qui se sont soulevées, Ngouta et Dera et compagnie. Donc il y avait les partis politiques nationalistes qui faisaient partie de ce rassemblement de l'opposition, mais pas des partis de l'opposition. Donc des partis de gauche parmi lesquels le PYD qui a par la suite un peu promu et propulsé le système du Rojava. Après le soulèvement populaire et la répression qui a eu lieu à Kamishlo, où je ne me rappelle plus de la ville, et la constitution des forces de protection du peuple a réagi à cette répression. Comment le peuple kurde qui se sentait aussi syrien, qui participait au même mouvement de soulèvement en Syrie, s'est retrouvé aussi, comment il a épousé le proposé par le PID avec ses unités de protection du peuple. Ben, du coup, comme je disais tout à l'heure, le projet politique porté par le PKK, il n'était pas nouveau en Syrie. Le PKK était dans les années 80, ils avaient déjà formé. Il y avait une certaine culture politique qui existait déjà. Il y avait déjà une connaissance des organisations, une connaissance plus ou moins précise, hein, mais existante du projet politique. Donc c'était pas un truc complètement nouveau pour les Kurdes. Après, effectivement, dans la zone, il n'y avait pas que le PKK kurde, donc notamment le parti nationaliste, le PDK, qui dirige actuellement la zone autonome kurde en Irak, qui est un parti tribal, féodal, néolibéral à l'excès. Hein, c'est en gros la zone autonome kurde irakienne, elle se partage entre deux familles, qui sont, voilà un peu qui sont ces gens. Ils ont aussi des antennes en Syrie. Et quand la révolution éclate, là pour le coup, enfin d'après des témoignages que j'ai eus, hein, je ne prétends pas du tout avoir forcément la vérité, mais en tout cas d'après ce que j'ai vu comme témoignage, il y a eu une grosse mobilisation populaire, grosse manif, et d'ailleurs assez vite une répression forte, et puis assez vite aussi des populations kurdes peut-être plus habituées qui descendent en armes, enfin pas massivement en armes, mais où en tout cas des gens descendent armés dans la rue et tranchent dans ces casernes avant de partir en mi-2012. Et comment, pour répondre à ta question, du coup, le PID il est créé mais en structure clandestine, avec quand même toute l'expérience politique du PKK, toute la rigueur organisation. Donc très vite, leurs cadres vont dans les manifs et proposent aux gens de s'organiser. En tout cas, proposent une structure politique sur laquelle les manifs peuvent s'appuyer. Évidemment, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc il peut y avoir des divergences politiques, mais surtout, ce qui est un fait qui semble quand même avéré, c'est que les autres partis se sont barrés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés. Ils sont partis, c'était souvent quand même des gens de classe bourgeoise, de classe favorisée. Ils ne sont pas restés quand ça craignait trop, ils sont partis en Irak, et après ils ont voulu revenir quand c'était sûr. Donc du coup, le PID s'est retrouvé de fait slas, et s'est retrouvé de fait en fait seul acteur politique organisé sur place, parce que les autres partis qui pouvaient être, je sais pas, de se revendiquer de gauche, on va dire de gauche nationale, où il n'y avait pas de différence ethnique, enfin qui pas kurde en tout cas, n'étaient pas organisés. Vraiment, ils n'avaient pas de structure politique, ils n'avaient pas de cadre. Donc bah, l'un dans l'autre, c'est le PID qui a fini par obtenir le soutien de la population de cette manière. Évidemment qu'il y avait des gens qui ont été contre, qui s'y sont opposés. Et après, pareil, je ne vais pas raconter un conte de fées, hein, on sort de 30 ans de dictature du régime Assad, évidemment que ça n'a pas été d'un coup démocratique. Les gens ont des pratiques autoritaires qu'ils n'ont pas perdues comme ça du jour au lendemain, mais globalement, il y a eu a priori un soutien massif de la population kurde au PYD, parce que c'était un parti qui était là en fait depuis longtemps, et avant avec le PKK, ensuite il y avait une histoire locale, un vrai ancrage local, et du coup qui s'est retrouvé en gestion localement et qui avait déjà finalement avec ses structures clandestines préparé la gestion qui allait venir après. Je sais pas si j'ai répondu. Oui, tu avais une... Bon bah du coup tu as partiellement répondu à ma question. Mais du coup l'implantation de ce système social et politique au sein du Kurdistan syrien, ça a entraîné de grands changements par rapport à la dictature comme tu viens de le dire. Et est-ce qu'il y a une partie de la population qui n'a pas voulu adhérer, qui a préféré partir, ou ça s'est passé, l'adhésion a été massive, enfin surtout au début, est-ce que les réticences étaient fortes? Alors en fait, ce qui s'est passé au début, il y a eu plein de gens qui ont eu peur et qui sont partis, mais ceux qui partent, c'est ceux qui ont l'argent pour partir. Donc c'est la classe moyenne, souvent, ou en tout cas la classe bourgeoise, des gens qui ont les quelques milliers de dollars nécessaires, enfin quelques milliers. Ceux qui vont en Turquie, en Europe, c'est plutôt quelques dizaines de milliers. Ceux qui vont en Irak, c'est quelques milliers. En tout cas, ceux qui ont les moyens de partir. Donc au début, effectivement, et c'est ce que je disais, la plupart des partisans des partis nationalistes kurdes sont partis. Parce que notamment, beaucoup d'entre eux étaient... C'est pas une génération de tout le monde, mais un certain nombre d'entre eux avaient les moyens de le faire. Du coup, sont restés les gens qui n'avaient pas les moyens de partir. Alors, du coup, effectivement, on va pas dire tout le monde d'un coup est devenu partisan du PYD, mais par la pratique et par l'exemple, les gens ont vu que finalement, bah, il n'y avait pas la guerre chez eux, quand le reste de la Syrie était à feu et à sang, qu'ils avaient encore à manger l'électricité, etc. Donc, par la pratique, finalement, ils ont fini par adhérer au système. Et l'éducation politique, c'est pareil, elle s'est pas faite du jour au lendemain, les gens n'ont pas intégré toutes les idées du parti, hein, évidemment. Mais par de formation, la participation aux différentes instances politiques, que ce soit les mouvements de jeunesse, que ce soit les communes, que ce soit les structures de femmes ou autres, petit à petit, la population y est venue. Et encore une fois, là où on voit, je le redis, mais triste que ce soit dans ces circonstances, mais là où on voit que ça a quand même marché, c'est quand on voit que le système s'est pas écroulé malgré l'attaque turque, que ça a tenu. Après, ça a été compliqué parce que le Kurdistan irakien avait fait un embargo sur la zone. C'est-à-dire que la Turquie, bon, n'en parlons pas, la Turquie, évidemment, ne laissait rien passer, c'était de marché noir, donc avec des prix très élevés. Mais si la partie kurde d'Irak avait ouvert sa frontière et laissé rentrer notamment le matériel médical, le matériel pour réparer les centrales électriques et le matériel pour réparer les raffineries de pétrole, en fait, l'administration évite faire une zone où le niveau de vie serait devenu très très rapidement très bon. Mais comme ils ont maintenu un embargo, et pendant un moment, quand c'était un embargo total, rien ne rentrait. Donc il y avait effectivement des difficultés à s'approvisionner. Puis ils ont lâché à partir de 2016, ils ont un peu lâché, ils ont fait rentrer un peu d'aide humanitaire, de la bouffe, mais c'est pareil. La ville de Kobané, par exemple, elle a été détruite à 80%. Et des gens disaient, ouais, c'est lamentable, l'administration autonome n'a pas reconstruit les maisons des gens. Bah oui, ils n'ont pas reconstruit parce qu'ils n'avaient pas de matériaux de construction, en fait. Il a fallu attendre 2016 pour que commence à rentrer du béton, du mortier. Et en 2018, par exemple, on voyait que certaines zones terminaient d'être construites, mais les matériaux manquaient, en fait, parce que ça rentrait vraiment au compte-gouttes. Donc, est-ce que j'ai répondu ou pas? Ou je me suis perdu sur... Est-ce qu'il reste des questions, remarques, ou on passe à l'intervention d'après? Ouais. Alors, je te passe juste le micro pour refaire la petite annonce et je vais changer la clé. C'était juste pour rappeler à ceux qui écoutent un peu de loin que, voilà, on fait un débat sur le Rojava.